And I want us to move to the next level now. Et j'aimerais que nous déplacions à un autre niveau maintenant. What is the significance of the bitter herb that was used to eat the Passover lamb? Quelle est la signification des herbes amères qui étaient utilisées pour manger l'agneau pascal? That we see in the book of Exodus chapter 12. Que nous voyons dans le livre de l'Exode chapitre 12. In the book of Exodus chapter 12. Dans le livre de l'Exode chapitre 12. Verse 8, it says. Verset 8, il dit. The same night they are to eat the meat roasted over fire, along with bitter herbs and bread made without yeast. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Why was it important for Israel during the Passover until today? Pourquoi c'était important pour Israël pendant la Pâque jusqu'à aujourd'hui? They eat bitter herbs. They place bitter herbs on the table. Ils mangent des herbes amères. Ils placent des herbes amères sur leur table. And they use it to eat the Passover lamb. Et ils les utilisent pour manger l'agneau pascal. At the same time, the bread without yeast. Et pendant ce même temps, le pain sans levain. What is the revelation that is there? Quelle est la révélation qui est ici? That is embedded onto the church. Qui est intégrée à l'église. Let me begin step by step. Laissez-moi commencer pas par pas. The book of Matthew chapter 2. Le livre de Matthieu chapitre 2. Verses 1 to 23. Les versets 1 à 23. What is the Lord speaking to the church when he ordained the bitter herb to be used? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à l'église quand il ordonne d'utiliser des herbes amères? For commemorating Passover. Pour commémorer la Pâque. Listen to what he says here, somebody. Écoutez ce qu'il dit ici. The visit of the wise men from the east when Jesus was born. La visite des mages de l'est qui ont visité Jésus quand il était né. He says, after Jesus was born in Bethlehem in Judah, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, où nous sommes venus pour l'adorer. Remember, the wise men were coming from the east. Souvenez-vous, les hommes sages, les mages, sont venus de l'est. And remember that Daniel, the prophet of the Lord, et souvenez-vous que Daniel, le prophète du Seigneur, lived in the east. Vivait à l'est. So the scrolls and the manuscripts that Daniel wrote, Zeddi et les manuscrits que Daniel a écrits, were in the east, étaient à l'est. That's why the wise men were able to read the manuscripts of Daniel. C'est pourquoi les mages étaient capables de lire les manuscrits de Daniel. That were in the east, qui étaient à l'est. And they knew that when the Messiah would be born, et ils savaient que quand le Messie allait naître, there now would be that star of the Messiah, of the King, the star of David. Maintenant là, ça va être l'étoile, cette étoile du Messie, du roi, l'étoile de David. And they would follow that star. Et ils vont suivre cette étoile. And that star would lead them to where the king would be. Et cette étoile va les guider là où le roi sera. Verse 3, the book of Matthew chapter 2. Le verset 3 dans le livre de Matthieu chapitre 2. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the peoples and the chiefs and the teachers of the law, he asked them, where is the Christ who was to be born? In Bethlehem, in Judah, they replied. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée. For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. You see very clearly that now the prophecy had been spoken about Judah. Vous voyez très clairement que maintenant la prophétie à propos de Juda a été dite. The wise men have read the manuscripts of Daniel in the east. Les mages ont lu les manuscrits de Daniel dans l'est. They have followed the star. Ils sont en train de suivre l'étoile. They have asked the king where he is born. Ils ont demandé au roi où il est né. And the king is disturbed. Et le roi est troublé. And don't lose track. Ne perdez pas le fil. I am still talking about the bitter herb. Je suis encore en train de parler des herbes amères. That in the book of Exodus chapter 12 verse 8. Que dans le livre d'Exode chapitre 12 verset 8. Jehovah God commanded Israel to eat during the Passover festivity. Jéhovah Dieu a ordonné de manger pendant la fête de la Pâque. Verse 7. Then Herod called the Magi secretly and found out from them exactly what time the star had appeared. He sent them out to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Listen to verse 9. Écoutez le verset 9. « After they had heard the king, they went on their way. » And the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over in a place where the child was. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Listen to this very carefully. Écoutez ça très attentivement. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with the mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Alléluia. Then they opened their treasures and presented to him gifts of gold, of incense called frankincense, and myrrh. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Do you hear me, somebody? Vous m'écoutez? That is the reason Jehovah God commanded Israel to eat the bitter herb. Ça, c'est la raison pour laquelle Jéhovah Dieu demanda, ordonna de manger des herbes amères. With the Passover lamb. Avec l'agneau pascal. Alléluia. Alléluia. And the bread without yeast. Et le pain sans levure. Now you see that when Jesus is born. Alors vous voyez que quand Jésus est né. The wise men are coming. Les mages sont venus. All the way from the east. Tout le chemin depuis l'est. They present a gift of gold. Ils ont présenté un cadeau d'or. Which speaks about the presence of the Lord. Qui parle à propos de la présence du Seigneur. The presence of God will be with you all the days of your life. La présence de Dieu va être avec toi tous les jours de ta vie. Frankincense, which means your life will be such a pleasant aroma unto our Lord the Father in heaven. Encens. Qui signifie que ta vie va être un parfum plaisant pour notre Seigneur, le Père du Ciel. And bitter myrrh. Et de la myrrhe amère. Myrrh standing for your life as a servant of God, as a prophet of God. Myrrhe qui signifie que ta vie en tant que serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Will be a bitter life. Alléluia. Va être une vie amère. Alléluia. Now do you understand why Jehovah ordained? Alors maintenant, vous comprenez pourquoi Jéhovah a ordonné that when they commemorate the Passover, que quand ils commémoraient la Pâque, they should eat the bitter herb, ils auraient à manger les herbes amères together with their leavened bread and the Passover lamb. Ensemble avec le pain sans levain et l'agneau pascal. The bitter herb talk about the bitterness. Les herbes amères parlent à propos de l'amertume that they had suffered in slavery qu'ils ont eu à souffrir en tant qu'esclaves for the 430 years pour les 430 ans. Alléluia. Alléluia. And the bitterness that the lamb would go through, the lamb that would be used to atone for the sins of Israel, somebody. L'amertume que l'agneau aura à traverser, l'agneau qui aura été utilisé pour expier les péchés d'Israël. But listen to this, precious people. Mais écoutez ça, précieux peuple. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country through another route. Now listen to this. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Maintenant, écoutez ça. Verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Verse 14. So he got up and took the child and his mother during the night and they left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so this fulfilled what the Lord had said through the prophet. Out of Egypt I called my son. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. So you see the bitter herb that was being eaten. Alors vous voyez que les herbes amères qui devaient être mangées during Passover pendant le repas de la Pâque was speaking about the coming of the Messiah. Parlait à propos de la venue du Messie. He would come with a lot of bitterness. Il va venir avec beaucoup d'amertume. You see that Herod would kill a lot of children now here. Vous voyez que Hérode va tuer beaucoup d'enfants ici. Looking for him to kill him. Regardant pour le tuer, lui. Verse 16. When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was written and said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. That is the weeping, the bitter herb that they are eating. Ça, ce sont les pleurs, les herbes amères qu'ils mangent. During the Passover festivity. Pendant les fêtes de la Pâque. He speaks about the bitterness Jeremiah was talking about. Il parle à propos de l'amertume. Jérémie en parlait. Rachel weeping, many children being slain, being killed in the land. Rachel pleure, beaucoup d'enfants qui sont égorgés et tués dans le pays. And the Messiah has been taken to Egypt. Et le Messie a été emmené en Égypte. He's no more here. Il n'est plus ici. Rachel is weeping. Rachel pleure. There is a lot of mourning in the land, somebody. Il y a un temps, beaucoup de lamentations dans le pays. Alléluia. Alléluia. Let me bring you to another level, precious people. Laissez-moi vous emmener dans un autre niveau, précieux peuple. Look at this, somebody. Regardez à ça. Why did Jehovah ordain and command Israel during the Passover? Pourquoi Jéhovah a-t-il ordonné et commandé à Israël pendant la fête de la Pâque to eat the bitter herb? De manger des herbes amères. And what does that speak to the church? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'Église?